À l'occasion de la journée de la brillante étoile, les formations de divers pays ont présenté des écrits à l'éloge de la vie révolutionnaire et les exploits du général Kim Jong-il dans les homepages d'Internet. Dans son écrit titré « Le Mont Paektu et Kim Jong-il » avec la photo panoramique du Mont Paektu, l'Institut culturel et d'amitié péruvien-coréen a souligné que le nom et les exploits du général brilleront à jamais avec le mont sacré Paektu. L'Association des chrétiens de l'État de Lagos du Nigeria et l'Association d'amitié avec la Corée de toute l'Inde ont publié des écrits exaltant le général pour avoir transformé la Corée en puissance indépendante et contribué à la cause d'émancipation du monde sous les titres comme « Grand nationaliste » et « Kim Jong-il et le monde ». En outre, l'Association nationale vénézuélienne d'études des Edutse a fait paraître un bulletin avec plusieurs écrits, notamment sous le titre « Naissance de son excellence Kim Jong-il et le monde ».